Il est donc clair que la MINUSMA reste, mais elle restera sous la vigilance et le contrôle de l'État central malien. Est-ce que dans cette nouvelle disposition-là, on est clairement prêt à mieux contrôler les dérives et les dérapages de la MINUSMA? Je commencerai par faire un rappel important pour clarifier les enjeux. J'indiquerai, pour renforcer ma position sur ce que Jonathan a appelé mon accès d'optimisme, à toute élégance, mon accès d'optimisme, je vais démontrer en quoi c'est justifié. Et à la fin, je vais ajouter un plus à ce qu'a dit Jonathan pour démontrer qu'ils n'ont pas l'avantage, contrairement aux apparences, à ce qu'ils veulent croire. Premièrement, nous avons démontré que l'initiative du départ de Takuba ne revient pas aux Occidentaux. C'est important quand on fait comme une guerre. Parce qu'on fait croire, ils veulent faire croire qu'ils contrôlent tout. Non, non. Le Mali les a demandé de partir. Nous avons démontré ça. Que le Mali les a demandé de partir. Il l'a obtenu. Oui, voilà. Maintenant, rappelons les arguments qu'ils mettent en avant pour justifier le départ. Vous allez voir à quoi vous avez affaire et à qui vous avez affaire. Et qu'est-ce que se trame réellement depuis. Alors, les alliés européens, justifiant donc ce départ, convoquent comme raison, écoutez très bien, l'engagement non tenu par les autorités maliennes d'organiser les élections et les législatives avant le 27 février 2022. Je répète. Quoi le lien? Non, je répète. C'est qu'ils ont dit non. Ils disent qu'ils mettent fin à la mission parce que l'autorité malienne n'a pas tenu leur engagement d'organiser les élections avant le 27 février 2020. Et d'autre part, en plus, c'est que bon, ils sont énervés parce que l'État malien entretient des relations avec Wagner. Et Wagner, c'est la Russie. Et monsieur Le Drian avait dit que la présence russe dans le Sahel est un obstacle majeur à l'action de Takuba et à leur présence. Et vous vous rappelez que monsieur la France, je ne sais pas qui, ils ont dit à monsieur Lavrov, ça c'est une sortie officielle du ministre des Affaires étrangères russe, il dit que mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Le Mali c'est pour nous, le Sahel c'est pour nous, la Russie n'a rien à faire au Sahel. Monsieur Lavrov a fait une sortie officielle pour dire ça, que voilà ce qu'ils ont dit. Premièrement, vous venez combattre le terrorisme. Où est le rapport entre la lutte contre le terrorisme et la question institutionnelle ou alors, et les élections. Les élections. Et les élections. C'est-à-dire que. Ok. Est-ce que les terroristes sont morts au Mali? Où est le rapport? Vous voulez pas lutter contre le terrorisme? Et vous dites que bon, nous on s'en va parce que l'État malien n'a pas organisé les élections. Attends. Vous êtes venu promouvoir les élections ou bien vous êtes venu lutter contre le terrorisme? Est-ce que les militaires s'occupent des élections? La question institutionnelle, comme vous dites, ça se gère au niveau de l'Union européenne tout à fait. Ils ont géré et ils ont sanctionné, soi-disant, les autorités maliennes, dont monsieur le Premier ministre. Bon, c'est de la sorcellerie, mais nous sommes en train de raisonner. Hein. Donc, vous voyez comment la lutte contre le terrorisme devient un combat contre les élections non organisées. Deuxièmement, Wagner. Nous partons parce que les fâchés des autorités maliennes ont signé un partenariat avec la Russie, dont Wagner. Alors, on va se poser une question. C'est toujours le combat contre le terrorisme que de croire que vous, Européens, vous êtes mieux placés que les Maliens pour savoir ce qui est bon pour eux dans ce combat contre le terrorisme. C'est quand même terrible. C'est-à-dire que les Européens connaissent le Mali plus que les autorités maliennes, au point de savoir comment il faut lutter contre le terrorisme. Donc, c'est les Européens qui vont dire comment lutter contre le terrorisme et l'État malien n'a pour seule obligation que de suivre ce que les Européens lui disent. Donc, il faut rappeler ça pour comprendre que la question terroriste n'est qu'un prétexte. Ce n'est qu'un prétexte. Nous allons le répéter un milliard de fois, on ne se fatiguera pas. Parce que s'il était question de lutter contre le terrorisme, la chose la plus évidente pour des gens honnêtes, c'est la coopération entre la Russie, l'Union européenne et le Mali. La France, le Mali, l'Union européenne devaient s'asseoir autour d'une instance à mettre en place. Dire, ok, nous avons pour ennemi commun les terroristes. Mettons-nous ensemble pour les combattre. Vous ne pouvez pas partir, rompre unilatéralement vos relations, vos engagements que vous avez signés avec un État, à l'occurrence le Mali. Vous engagez la rupture de façon unilatérale sans le leur dire, sous le prétexte qu'ils collaborent avec Wagner. Mais c'est pas possible ça. Donc, vous voyez donc, on appelle ça, il y a filouterie sur la marchandise. Tout à fait. Mon cher Dou. Il y a filouterie sur la marchandise. La marchandise qu'on a vendue, c'est la lutte contre le terrorisme. Mais la véritable marchandise, c'est la captation violente des ressources du Sahel en liquidant les États qui ne veulent pas se soumettre à cette opération. Quand on a posé les choses comme ça, tout devient clair. La conséquence, c'est que les terroristes sont fabriqués, créés, parrainés pour les besoins de la cause. Tout à fait. Bon, maintenant, si un Africain existe encore à comprendre ça, c'est un vampire. C'est un sorcier. Parce que les terroristes arrêtés, maintenant qu'on fait publiquement comment la France donne l'argent aux terroristes, comment s'organiser. Il y a les vidéos. Nous, on dit ça depuis 10 ans. Maintenant, c'est clair. Parce que pour l'Union européenne et la France, Wagner est plus dangereux que les terroristes. Deuxième conséquence, c'est-à-dire que pour les Européens, les Occidentaux, Wagner est plus dangereux que les terroristes, au point où on préfère partir que de lutter contre les terroristes. Parce que Wagner est plus dangereux que les terroristes. C'est ce que ça veut dire. Nous disons ces choses-là à partir de leurs arguments eux-mêmes. On n'invente pas ce qu'ils ont dit. C'est eux qui disent ça. Donc vous comprenez ce qui se passe. Crime succédant à un autre crime. Vous avez fabriqué les terroristes pour détruire un État. Dans un monde sérieux, on vous met au banc de la communauté internationale. S'il y a communauté internationale. Ces pays. On vous met au banc. On la trappe aux dirigeants, on les juge, on la fait avec Hitler. Vous, deuxième moment, cet État s'élève pour se défendre. Vous persistez dans le crime en organisant l'élimination politique et géopolitique de cet État. Et vous le faites en plein jour, en naguant les populations et le continent. Mon cher Fabrice, c'est pour nous revenir à quoi? Pourquoi je suis optimiste? Je prends un élément, simplement. Est-ce qu'il était possible hier, mon cher Jonathan, à un État africain de faire ce que le Mali a fait à l'ONU? C'était possible? Le Mali l'a fait. Le ministre des Affaires étrangères a fait plus que ce qu'il fallait faire. Mais il ne s'est pas arrêté là. Le Mali ne s'est pas arrêté là. Ils ont dit l'ONU, la MINUSMA, ne pourra pas se déplacer au Mali. Nous n'allons pas faciliter le déplacement au Mali. C'est un défi. Est-ce que logiquement ces forces doivent se déployer dans le pays sans toutefois avoir l'autorité? Faut les chasser d'un pays. La même si. Pays. Même... Je dis, avant le pays, l'ONU sert à quoi? Vous voulez qu'on passe cette affaire-là? Depuis 1960, ils sont en RDC, ils ont fait quoi? Mais rien du tout. Ils ne font que détruire ce pays. Et alors que la RDC est attaquée par M. Kagame, un autre criminel, Kagame, et son complice de l'Ouganda. Même si M. Tshisekedi, nous, on ne l'aime pas beaucoup, sa tête ne nous plaît pas du tout, ce monsieur-là, parce que ce n'est pas sérieux. Que fait l'ONU? L'ONU décide de reconduire l'embargo sur les armes contre la RDC. Pendant ce temps, Kagame et Museveni arment officiellement M24, qui est plus armé que l'armée congolaise. J'espère que vous le savez. Le M23. Il y a donc il ne faut même pas prononcer. Vraiment, ça donne des boules. Comment? Donc vous comprenez? Et si un même débat à faire sur l'ONU, nous débattons de l'ONU parce que il n'y a pas encore adéquation de solutions et de comportements au niveau du leadership et d'une certaine partie de la société africaine. C'est pour ça qu'on débat sur le plateau. On les avait chassés depuis de l'Afrique. Chassés. Et quitter cette affaire. Leur présence n'est justifiée nulle part en Afrique. L'ONU est une force d'occupation en Afrique. Oui. L'ONU est une force d'occupation sur le continent africain. Il faut le dire. Les fanfaronnades et les justifications pseudo-juridiques internationales, c'est pour tromper les naïfs. Vous savez qu'il n'y a pas de droit international. Tout à fait. C'est un chiffon, c'est un papier hygiénique dont les puissances se servent quand elles sont allées aux toilettes. Absolument. Le droit international, c'est pour nous les pauvres et les faibles. Donc, le Mali a décidé que, ok, on va voir comment faire de déplacer tout le territoire. C'est un défi. On ne défie pas, on lance pas un défi qu'on n'est pas en mesure de le relever. Deuxième conséquence dans mon analyse, donc, pour renforcer mon optimisme, c'est que, je le répète tout à l'heure, des choses se passent devant nous, ouvrons les yeux et regardons. Ça fait des mois que je dis ici, j'ai dit aux autorités maliennes, vous le savez, préparez-vous à la guerre. Non? C'est pas longtemps que je leur dis ça. Qu'il y aura la guerre. Je leur dis ça depuis. J'ai dit aux Maliens depuis qu'il y aura la guerre. Affrontement pas réel. Mal, la guerre. Affrontement réel armé. Tous les Africains doivent s'y attendre. Alors des guerres asymétriques avec des pseudo-rébellions. Ça va être la guerre. Il n'y a pas de guerre. L'asymétrie s'est passée. La vraie guerre mondiale, ça va se passer ici. Il vous a expliqué l'humiliation en Ukraine. Il va réparer ça. Au-delà de l'humiliation. Mais chaque fois que l'Occident a été menacé de disparition, a failli basculer dans la pauvreté. Où est-ce qu'elle a répondu pour vivre? C'est pas en Afrique. Qu'est-ce que vous croyez? Et bien, comment l'inflation est en train de les affamer, de les détruire? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Laissez les histoires de gaz liquéfié naturel, des histoires de Joe Biden qui est sénile, qui est lucide 2 secondes par jour. Il tombe sur le vélo, tombe 2 fois sur le vélo. Personne ne demande de pédaler. Il appelle les journalistes. Venez voir, je suis vivant. Je suis un être humain. Celui qu'ils appellent. Celui qu'ils appellent, que venez voir, je suis. On dit que je suis vieux, je suis en forme. Il tombe 2 fois durant le trajet. 2 fois. Oh, c'est lui qui les a appelés. Donc, avant de monter, il s'est dopé, il a fumé la drogue, il s'est dopé pour tenir. Malgré ça, il tombe 2 fois durant le trajet. 2 fois. Laissez ça. Chaque fois que les Occidentaux, pour vivre, se nourrir, ils ont été obligés de venir voler en Afrique. Donc, ce n'est pas seulement l'humiliation. Il y a une question de famine. L'Occident a faim. Les gens ont faim. Chaque fois qu'ils ont eu faim, c'est en Afrique qu'ils se sont déportés. Donc, le temps là, ils ne viennent pas en Afrique seulement pour laver l'humiliation. C'est vrai, c'est important l'humiliation. Mais il y a la question des ressources. Puisque il y a d'abord cet embargo, en guillemets, qu'ils ont déclaré sur les ressources naturelles du continent africain. Quel embargo? Plus ou moins un embargo déclaré. Si vous décidez de vendre vos ressources minières à un autre pays, vous allez vous attaquer on va s'attaquer à vous. Donc c'est une espèce d'embargo. Absolument, c'est une espèce d'embargo. Je ne blague pas, tu sais comment dire. Non, je comprends, oui. j'ai lu ça. Mais voilà, c'est dit de façon claire. Donc, ils viennent intervenir en ayant déjà une loi qui les justifie dans leur pays qu'on peut prendre les matières premières africaines, ça nous appartient. Donc, en réalité, actuellement, selon les malades mentaux américains, les fumeurs de chanvre indien américains, mais ne riez pas. C'est autorisé là-bas. Le sous-sol américain. C'est légal. Mais bien sûr, c'est légal, là-bas, on fume la drogue partout. Si les gens disent. Le cannabis, c'est légal. Tu peux devenir femme comme tu veux, changer de sexe, tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce qui dépasse encore? Donc, en venant là, ils savent que pour eux, pour les Américains, pour l'OTAN, le sous-sol malien n'appartient plus aux Maliens. Mais c'est vous qui vous amusez. Hein? C'est ça la loi. C'est ça la loi veut dire. Et il suffit qu'il y ait un accord interne chez eux. L'accord est déjà là. C'est ça le vote au Congrès. L'accord est déjà là. Mettons-nous d'accord pour aller voler, comme on a fait hier. Sommes d'accord pour aller piller, comme on a fait hier. Tout à fait. Sommes d'accord pour aller massacrer les sous-hommes, on l'a fait hier. Mais entendons-nous d'abord. C'est ça la loi qui a été votée aux États-Unis. Donc, j'étais en train d'indiquer que, est-ce que le Mali s'est préparé? Oui. Est-ce que le rapport de force peut être à l'avantage de l'OTAN? Analysons rapidement des séquences historiques qui sont devant nous. Pas lointain. En Syrie, qui a gagné la guerre? Les Syriens. Les Syriens. Avec soi-disant en Syrie. Avec la Syrie, la Syrie qui a gagné avec la Russie. Face à l'OTAN. Tout à fait. Oui. En Ukraine, qui gagne la guerre? La Russie. Face à qui? À l'OTAN. Mais ils ont gagné une guerre un jour. Rien. Contre Hitler. Hitler. Non. Non, Hitler qui a gagné la guerre, c'est l'armée rouge. Mais, voilà, l'armée rouge. Aider les Africains. Tout à fait. N'oublie pas ça. Là, c'est les Africains qui ont aidé l'Occident à battre Hitler. L'armée rouge a gagné la guerre, c'est connu, c'est la vérité historique. Nous, les Africains, on a aidé les Occidentaux. Les Occidentaux. La France. À affronter les 1 500 000 Allemands qui étaient du côté ouest. Il l'a dit. L'armée rouge a détruit 3 millions de soldats. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Ils ont perdu 27 millions d'entre ça. C'est la grandeur de la Russie. Tout à fait. Mais personne ne peut nier l'apport de l'Afrique. Qu'on a qualifié. Qu'on a. Comment dire ça on a qualifié, ailleurs. Non. On a qualifié ça en force française. Oui. Attention. Les Africains, sont invisibles dans cette arène parce qu'on les a maquillés en français. C'est cela qu'il s'agit. Hitler l'a reconnu lui-même. Que sans les Africains. Sans la vaillance. La vaillance des Sud-Africains. Il aurait rayé la France de la carte du monde. Qui est plus réaliste que le roi? C'est Hitler qui a fait la guerre contre les Français. Il le dit. Donc on n'a pas non plus. On n'a pas été en mesure de capitaliser notre présence dans cette guerre parce qu'on a décrété que nous sommes Français. Même si on était noirs. Et quand la guerre est finie, on a décrété encore que de devenir ce que vous êtes, les esclaves. On a commencé à tirer sur nous à Charoy. À Charoy. Vous ne citez que ça. Donc je suis en train de dire que en Syrie qui a perdu, ils ont dansé partout. C'est un assassin. C'est moi, ma chère consort. Assad a gagné. Alors je vous parle. Ils demandent l'audience à Assad pour le marché de la reconstruction. Vous savez, ils n'ont pas honte. Demain, de là, on allait voir Maduro. L'Amérique s'est déshabillée devant Maduro. Que pardon, revendre le pétrole. Ils n'ont pas honte. Ils sont en train de se mettre à genoux devant les Vietnamiens. Ils n'ont pas honte. Ils ne sont pas humains, ils n'ont pas honte. Ils demandent à coopérer avec le Vietnam. Alors, Venezuela également. Deuxième, ils ont été battus en Ukraine. Ils ont été battus en Syrie. Ils ont été battus en Ukraine. Je pose donc la question. Le Mali n'a-t-il pas des accords militaires avec la Russie? Si. Est-ce que la crédibilité de la Russie, mon cher Jonathan, ne sera pas engagée? Si elle est défaillante. Lui-même l'a d'ailleurs reconnu sur sa prise de parole. Et donc, il faudra absolument réussir le cas malien. Est-ce que la crédibilité de la Russie ne sera pas engagée au cas où il manquerait à leur devoir les gars du Mali? Tout à fait. La Russie n'a jamais manqué à ses devoirs envers un pays, vous le savez. Et dans ce qui renforce votre optimisme. Donc. Puisque c'était sur ces bases. Voilà, c'était sur ces bases qu'on est parti sur cette démonstration. Parce que pourquoi on agresse l'Afrique? Parce qu'on estime qu'on n'a pas de protection militaire. Absolument. Alors. Mais c'est compliqué ça. Il y a un parapluie militaire, on a les accords. Nous sommes riches, on a la jeunesse, on a les matières premières. Les Russes ont compris, les Chinois n'ont pas le choix. On va donc voir comment, avec la mobilisation de la jeunesse africaine, comme Jonathan l'a dit, et il le symbolise d'ailleurs, et avec la puissance militaire que nous allons acquérir, que le Mali a acquis, et que nous sommes en train d'acquérir, on va voir comment l'OTAN n'a jamais gagné une seule guerre. Vous avez oublié l'autre guerre en Afghanistan. Ils n'ont pas fui. Ils n'ont pas fui. C'est un général états-unien qui disait face à des éleveurs de chèvres. De chèvres. Ils n'ont pas détalé en abandonnant le matériel. Si. Mais donc vous croyez qu'ils vont perdre en Syrie, ils perdent en Ukraine, ils perdent en Afghanistan. Donc ils viennent gagner. Donc nous, on est là pour perdre. D'accord, merci, président. Nous sommes en train, je vous dis, on est à la dernière phase du combat de libération. Du monde. Définitif du continent africain. Condition de la libération du monde. D'accord. Le monde n'est pas libre parce que l'Afrique n'est pas libre. Très vrai. Donc, la condition de la libération du monde, c'est que l'Afrique soit libre. Et certainement, les Russes l'ont compris. Mm-hmm. Les Chinois sont en train de le comprendre au fur et à mesure. Parce que les Chinois, c'est pas facile de comprendre. C'est compliqué. Donc, ils comprennent pas souvent très vite. Mais ils sont en train de comprendre. Ce sont nos amis. Hein. Mm-hmm. Les Chinois sont nos amis. Donc, ils sont en train de comprendre. Vous comprenez? Ils sont en train de comprendre. Donc, les conditions sont réunies pour que cet affrontement-là entre l'OTAN et l'Afrique et ceux qui soutiennent l'Afrique, que les gens sont réunis. Ça va se solder par la défaite de Ouattara qui parie sur l'OTAN, de Bazoum, ce criminel qui parie sur l'OTAN, de tous les dirigeants africains qui jouent comme ça avec l'OTAN. Mm-hmm. C'est ça. Et la jeunesse et les hommes, les politicards qui rêvent, qui comptent sur l'Occident, que ce soit au Cameroun, en Centrafrique, partout pour se maintenir au pouvoir. C'est ça qui se joue là au Mali. Ils perdront cette guerre. Afrique Média. Le monde, c'est nous.